très très beau et très très con, un peu débile, et je m'entraîne à chanter faux. Allô, allô, je suis l'impresario, écoutez-moi, je suis là. Allô, allô, je suis l'impresario, pitié, pitié, écoutez-moi. Je crois c'est pas banal que je suis le diable, je suis génial, je suis pas un sot, je fais des progrès, c'est indéniable, et je maîtrise juste ce qu'il faut. Je suis là. Allô, allô, je suis l'impresario. Pitié, pitié, écoutez-moi. Je pense et c'est normal que j'ai de la chance. Je suis doué. Je mène la danse et je serai, je pense, dans tous les champs. Allô, allô, je suis l'impresario, écoutez-moi, je suis là. Allô, allô, je suis l'impresario, pitié, pitié, écoutez-moi. L'impresario, écoutez-moi, je suis là. Allô, allô, monsieur l'impresario, pitié, pitié, écoutez-moi. Allô, allô, monsieur l'impresario, écoutez-moi, je suis là. Allô, allô, monsieur l'impresario, pitié, pitié, écoutez-moi.